Kobanyanga. Merci de garder écoute aux émissions de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal et donc voici d'abord le sommaire. Certains des habitants de la commune urbaine Mukaza trouvent fondée l'idée du gouvernement burundais de bâtir des maisons modernes sur base des plans de la ville dans les années à venir. Mais ils demandent le prolongement des délais et la sensibilisation à ce changement. C'est après que le ministre des Infrastructures ait lancé un ultimatum la semaine dernière. Le ministre ayant à l'intérieur dans ses attributions met en garde certains fonctionnaires de l'État en province Kayanza, en majorité enseignants et les prestataires dans le secteur de la santé qui tardent à arriver au travail en attendant d'être déplacés par des véhicules des chefs de service. L'association des commerçants du Burundi à Kobu considère que les divergences sur les occupants des stands des marchés devraient être tranchées en séparant ceux qui ont occupé purement les lieux de ceux qui se sont construits eux-mêmes et les stands. Et la chronique sportive de ce lundi porte sur le harcèlement sexuel dans le domaine du sport. Célestin Vutsebanga, professeur de l'éducation physique et sport à l'Université du Burundi, nous en dira plus. Bienvenue à cette édition dont la mise en onde est assurée par Eric Wiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la mairie de Bujumbura, particulièrement ceux de la commune urbaine de Mukaza, sont appelés à approcher les services de l'urbanisme, mais ne dépassant pas ce mois d'août pour retirer les extraits du plan municipal qui doit redorer l'image de la ville dans les 15 prochaines années. Au cas contraire, ceux qui ne seront pas capables de bâtir conformément à ces plans, ils se verront retirer ces parcelles pour les réattribuer à d'autres qui seront capables d'ériger des constructions modernes. Suivez le ministre des Infrastructures, Dieudonné Dukundané. C'était lors de sa tournée vendredi dernier pour s'enquérir de la situation des bâtiments en cours de construction. Maintenant, nos services en trilogie vont dorénavant avoir un œil vigilant sur toutes les transactions foncières. Même l'achat et la vente des maisons en milieu urbain, il faut que l'acheteur s'assure que les services ayant en charge l'urbanisme, le cadastre, le titre foncier, la sécurité publique, donc qu'il donne du confort par rapport à cette transaction. Nous faisons tout cela dans l'objectif ultime de la vision que ce pays s'est fixé. On ne peut pas devenir un pays émergent, on ne peut pas devenir une économie développée quand des parcelles en milieu urbain et de surcroît au centre urbain apparaissent toujours comme des huttes. Si vous avez eu une parcelle que vous n'êtes pas en mesure de la mettre en valeur, que la parcelle revienne à l'État et que l'État trouve un partenaire capable de la mettre en valeur. Une invitation va sortir des domaines pour tous ceux qui possèdent des parcelles à mairie de Bujumbura, particulièrement dans la commune de Mukaza. On va commencer par celle-là parce que c'est ça au centre-ville, pour qu'ils viennent retirer les extraits du plan municipal qui doit refléter l'image de la ville, l'image du pays dans les 15 prochaines années. Alors on va demander à quiconque possède une parcelle de nous produire le calendrier de sa mise, de la mise en œuvre de cet objectif. Si, par hasard, vous n'en êtes pas capable, alors la décision sera automatique, c'est-à-dire qu'on va tout simplement donner la parcelle aux gens qui sont capables. Donc, que des personnes ne viennent pas après demain pour nous dire qu'on leur a pris leur parcelle alors qu'ils ont été incapables de les mettre en valeur. Et tout cela, nous le faisons pour le bien de ce pays. À ce sujet, certains des habitants de la commune urbaine de Mukaza ont bien accueilli la mesure de construire des maisons sur base des plans de la ville dans les années à venir. Ces habitants disent que le délai des mois pour avoir présenté leur plan est insuffisant et demandent au gouvernement de revoir ce délai. Ils souhaitent aussi que des sensibilisations soient menées à leur intention pour avoir plus de clarifications. Suivez-les dans ces propos recueillis par Jean-Marie Mayonka. Nous avons très bien accueilli, puisque c'est c'est nous qui va vivre très bien par après. Il faut que le gouvernement approche les gens pour les faire comprendre. Puisque nous, les gens, pour comprendre les choses, il faut être sensibilisé comme ça. Normalement, délai de un mois, c'est beaucoup pour présenter un plan. Et puis, qu'ils ont présenté un plan, ils ont été sensibilisés comment ils vont faire après. Il faut que le gouvernement approche ces gens doucement pour comprendre. Nous avons bien accueilli cette mesure car chacun a besoin de vivre dans une belle maison. Mais le problème est que tous les gens n'ont pas assez de moyens. Pour démolir, ça se fait en peu de temps, mais pour construire, ça prend du temps. C'est une bonne idée pour ceux qui ont des moyens, pas pour tous, car nous avons besoin de vivre dans un endroit propre. Le délai est insuffisant et les gens sont dans la pauvreté. Il y a ceux qui vont envoyer leurs enfants à l'école, acheter les cahiers, même ceux qui se trouvent à Bujumbura ont des problèmes. Comment on va présenter ces plans dans un mois? Ce n'est pas facile. Qu'ils ajoutent un délai au moins 2 ou 3 mois et essayer d'aider la population. Qu'on facilite ceux qui seront incapables. Page justice à présent, plus de 300 dossiers pris en délibéré seront clôturés et prononcés à la fin de ce mois par la Cour suprême. Propos du président de la Cour suprême, ce lundi, dans la capitale politique Gitega, lançant la retraite d'un mois des juges de cette cour pour clôturer et prononcer les jugements rendus. Emmanuel Gateretse appelle les magistrats des autres juridictions à profiter de ce mois de vacances pour délibérer et mettre en exécution des jugements rendus. Écoutez-le au micro d'Arthur Kavabouche. Les juges de la Cour suprême sont rassemblés ici pour la rédaction des jugements pour les dossiers qui ont été pris en délibéré, que ce soit lors des campagnes de descente sur terrain qui ont été organisées au cours des mois de juin et juillet. Et les dossiers qui ont été pris en délibéré n'ont pas été rédigés faute de temps. Parallèlement, la Cour suprême a continué à tenir ses audiences publiques au siège de la Cour. Et il y a aussi des dossiers qui ont été pris en délibéré et qui n'ont pas été rédigés faute de temps parce que les juges n'étaient pas sur place. Alors nous avons pensé organiser cette activité pour liquider ces dossiers. Au total, nous avons un nombre de 352 dossiers qui ont été pris en délibéré et nous attendons à la fin de ce mois que ces dossiers soient clôturés et prononcés pour que les justiciables puissent savoir l'issue de leur dossier et pour vaquer à leurs occupations quotidiennes. Les juges de la Cour suprême sont en nombre réduit si on considère les dossiers qui sont enregistrés chaque jour par la Cour suprême. Et c'est pourquoi son Excellence, le Président de la République et magistrat suprême, vient de nous donner des juges supplémentaires. Il y a 8 juges qui ont été nommés par son Excellence, le Président de la République. Et nous attendons leur prestation de serment pour commencer à vaquer à leurs activités. Je dis que ce n'est pas encore suffisant, mais ça va effectivement donner un nouveau soulagement à la Cour et aux justiciables. Nous invitons alors les juges de la Cour suprême de se mettre à l'œuvre dès maintenant pour que, à la fin de ce mois, tous ces dossiers soient clôturés et prononcés. Nous appelons aussi les autres juges des autres tribunaux de se donner corps et âme pour que les dossiers qui sont restés en délibéré et les jugements qui n'ont pas encore été exécutés puissent l'être au cours de ces vacances judiciaires. Et dans la page commerce, l'association des commerçants du Burundi à Kobo en sigle considère que les divergences sur les occupants des stands des marchés devraient être tranchées en séparant ceux qui ont occupé purement les lieux de ceux qui se sont construits eux-mêmes les stands. Le président de la Kobo s'inscrit en faux contre l'inscription des occupants qui a privilégié la personne retrouvée sur place, oubliant que certains se sont construits eux-mêmes les échoppes. Antoine Muzaneza trouve que la question doit être tranchée par toutes les institutions habilitées et indemniser les commerçants qui seront, le cas échéant, amenés à abandonner leur stand. Suivez Antoine Muzaneza dans cette traduction française d'Alain Désiré Boukenetz. kuvaho leta itereye akamo hamwe na meri bakavuga yuko bakeneye kurondera makori aho bategeza kuyakuraho se yashoboka. Depuis la période où le gouvernement et la mairie ont annoncé que la nécessité est d'étendre l'assiette fiscale, une certaine mesure a fait que les propriétaires doivent être sur place eux-mêmes. Certes, certains stands sont loués, mais cela diffère de la situation des commerçants qui se sont construits les échoppes eux-mêmes, qui ont engagé des fonds irrelatifs, qui ont même contracté des crédits. Au marché de Kotebo, par exemple, les services de l'OBR et la mairie ont enregistré les personnes trouvées sur place alors que ce sont des locataires. Tout cela a été fait en oubliant que les propriétaires payent eux-mêmes les impôts et taxes. Nous admettons que ceux qui ne sont pas capables de s'acquitter de ces nouveaux frais de stand pourront être obligés de chercher une autre place. Ce qui est sûr est que toutes les parties prenantes sont invitées à trancher la question, tantôt pour le bien du bailleur, tantôt pour le bien du locataire. Nous devons différencier les commerçants qui ont occupé purement et simplement les échoppes de ceux qui se sont construits les stands dans des places disponibles dans certains marchés. En tout cas, celui qui sera amené à abandonner un stand a le droit à une indemnité irrelative. C'est inadmissible de se retrouver dans une situation de perte d'un stand pour lequel on a engagé des fonds et cela pour le profit d'un locataire. Hanyuma bakaca baza bakamutwara ikibanza kandi kigatwagwa n'umupangayi. Isanganiro, la radio de l'avenir. L'actualité continue sur Isanganiro, place à l'éducation. L'ordonnance ministérielle du 13 juin 2023 portant fixation des conditions de passage de classe, de redoublement et d'obtention de diplôme à l'enseignement post-fondamental technique montre celui qui doit avoir un diplôme et celui qui n'a pas droit au diplôme. Cependant, le total général de notes obtenues par un élève finaliste et le nombre d'échecs sont variables selon l'article. Certaines écoles techniques ont interprété différemment la note de stage en province Gitega, demandant le ministère de trancher la question. Alain Désiré Boukeneza nous fait le point. Cette ordonnance ministérielle du 13 juin 2023 montre de l'article 39 à l'article 45 celui qui doit avoir un diplôme et celui qui n'a pas droit au diplôme. Cependant, le total général de la note obtenue par un élève finaliste et le nombre d'échecs sont variables selon l'article. Mais certaines notes ne varient pas. C'est premièrement le total de notes des cours techniques qui doit être supérieur ou égal à 55%, la note de conduite qui doit être supérieure ou égale à 50%, ainsi que la note de stage supérieure ou égale à 60%. La note qui fait objet de polémique aujourd'hui est la note de stage. Mais cette ordonnance ministérielle ne montre pas comment utiliser la note de stage. Seul le bulletin scolaire montre comment l'utiliser. Toutefois, les directions des écoles techniques ont fait des interprétations différentes en matière d'utilisation de cette note. Certaines ont donc ajouté la note de stage au total de la note des cours techniques, tandis que d'autres l'ont ajouté au total général. Pour celles qui l'ont ajouté au total de la note de cours techniques, les élèves ont facilement eu 55% dans les cours techniques exigés pour avoir un diplôme. Mais pour celles qui l'ont ajouté au total général, les élèves n'ont pas eu cette facilité d'avoir les 55%. Cela étant, certaines inspections provinciales comme celle de Gitega ont interrompu le travail de validation des procès-verbaux de délibération des élèves finalistes suite à cette divergence observée dans l'utilisation de la note de stage. C'est au moment où ce sont ces procès-verbaux validés qui sont présentés pour avoir des parchemins, des diplômes dans l'enseignement technique et des certificats dans l'enseignement général. Les directeurs des écoles techniques demandent au ministère de l'Éducation de trancher la question pour une bonne préparation de la rentrée scolaire prochaine. Merci Alain Désiré Boukeneza pour tous ces détails. Le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions met en garde certains fonctionnaires de l'État en province Kayanza, majorité enseignants et les prestataires dans le secteur de la santé qui tardent à arriver au travail en attendant d'être déplacés par des véhicules des chefs de service. Martin Niterete fait savoir qu'ils se verront limogés, remplacés. Il a dit ce samedi en province Kayanza à l'occasion de la célébration de la fête communale. On l'écoute dans ses propos recueillis par Patrick Nsengiyumv. Udakora ntakaje abantu bajya badakora abajeje intwaro n'umutekano mubafate mubegeranye batubwire c'est lui qui ne travaille pas ne devrait pas manger aussi. Il y a ceux qui ne travaillent pas mais qui mangent, les administratifs, arrêtez-les et ils nous diront d'où ils trouvent de quoi manger. Ils ne travaillent pas mais ils mangent, ce sont des voleurs. Nous sommes et voilà, ils récoltent le soir, ils prennent de la bière accompagnée d'une brochette. Ce sont ces mêmes bières dont le prix est augmenté comme ça. Il n'a pas été fatigué et il est facile qu'il se serve encore une autre bouteille. Nous nous demandons alors où est-ce qu'il a trouvé de l'argent. Au travail, c'est à Kawi. Et voilà, à 8h, il est encore là-bas à Rubao, disant qu'il attend un lift. Un lift de quelqu'un avec qui il n'a pas communiqué. Il trouve le lift à 11h et il arrive au boulot à midi. Et voilà, on sonne la fin du travail, il rentre ici. Nous avons beaucoup de chômeurs, il faut limoger ce type de travailleurs. Ceux-ci sont des voleurs parmi tant d'autres. Et vous ne comprenez pas ça? Le travail commence normalement à 7h30 ou à 7h15. Il faut que tu sois au boulot 5 minutes avant, au lieu d'attendre d'être déplacé par le véhicule de l'administrateur ou de quiconque ce soit. Attendre le moto du tuteur, etc. Est-ce que vous avez le même programme? Ces irrégularités s'observent surtout chez les enseignants et les prestataires dans le secteur de la santé. Si ces domaines ne fonctionnent pas convenablement, la vie du pays tout entier sera bouleversée. Nous avons beaucoup de chômeurs, des milliers et des milliers. Il n'y a pas de négociation pour le bien de la société. Tout doit rentrer dans l'ordre. Radio Isanganiro, chronique sport. Le harcèlement sexuel dans le monde du sport est commis par ceux qui utilisent leurs autorités et moyens financiers pour tromper les joueuses qui évoluent dans leurs équipes. Célestin Vutsebanga, professeur de l'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi, fait savoir que les entraîneurs et les présidents des clubs sont plus souvent les commanditaires du harcèlement dans le sport. Chronique sportive avec Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. L'harcèlement sexuel existe dans le monde du sport au Burundi et cela est confirmé par les témoignages de celles qui ont subi des violences physiques ou verbales. Explication de Célestin Vusebanga, professeur de l'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi. Actuellement, si on parle de abus sexuels ou harcèlement sexuel dans le monde du sport et surtout au Burundi, c'est inévident. C'est-à-dire qu'il y a des éléments ou des symboles qui montrent qu'il y a évidemment l'harcèlement au sport au Burundi. Et cela est montré par des témoignages de celles qui ont subi ces abus sexuels ou harcèlement sexuel. Même si aujourd'hui, il n'y a pas une étude approfondie, une étude de recherche qui montre les vraies statistiques de l'harcèlement sexuel au sport, mais il y a quand même, à travers des observations, à travers des entretiens, à travers de ce qu'on vit dans le monde du sport, à travers des témoignages, on voit réellement qu'il y a effectivement de harcèlement sexuel. La première cause d'harcèlement sexuel dans le sport concerne l'abus de l'autorité des entraîneurs, des arbitres et des dirigeants des clubs qui cherchent les avantages sexuels en utilisant les positions d'autorité. Il y a plusieurs causes je peux classer peut-être dans les trois principales pour ensemble de causes. La première cause concerne l'autorité, soit des entraîneurs, des arbitres, des dirigeants des clubs, des équipes, qui utilisent leur autorité pour tromper ou chercher des avantages sexuels en utilisant leur autorité. Ce professeur de l'Institut de l'éducation physique et des sports à l'Université du Burundi fait savoir que la deuxième cause d'harcèlement sexuel est l'utilisation des postes lors de l'établissement des listes des équipes nationales. Deuxième chose, c'est utiliser des postes. Par exemple, je suis entraîneur de l'équipe nationale et je vais quand même faire la liste de l'équipe nationale. Donc, il faut, à un certain moment, l'entraîneur peut privilégier effectivement la fille ou la femme qu'il aime. Et ça, c'est au niveau des avantages des postes. Selon Célestin Boussebanga, la troisième cause d'harcèlement sexuel est basée sur la manipulation des joueuses dans le cas où les entraîneurs et les dirigeants des clubs peuvent utiliser des avantages financiers. Troisième élément, ça concerne par exemple des avantages financiers où ces dirigeants ou ces entraîneurs peuvent utiliser de l'argent pour donner aux filles, aux femmes, et comme ça, elles peuvent être manipulées à travers des moyens financiers. Et c'est tous ces trois grands ensembles que je dirais qui sont effectivement à l'origine de l'harcèlement ou des abus sexuels. Mais bien sûr, il peut y avoir d'autres sous-ensembles, mais les grands ensembles que l'on rencontre souvent, même partout, c'est les trois. Dans la prochaine chronique sport, Célestin Boussebanga expliquera les conséquences d'harcèlement sexuel dans le sport et les recommandations qui peuvent contribuer dans la lutte contre les abus sexuels dans le monde du sport. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rico Imana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Les émissions et l'actualité continuent sur Isanganiro.